Mosaïque. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous captez. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Il y a 57 ans que le parti Prona a remporté les élections législatives. C'était le 18 septembre 1961. Une victoire qui amènera le Burundi vers l'indépendance en 1962. Prona, en partie dans son histoire, est intimement liée à celle du Burundi pour avoir été à la tête du pays près de 40 ans. Le parti a connu des vicissitudes. Parti État, parti dirigeant, parti d'opposition, dissension, divorce politique, l'Uprona du prince Louis Gwagasore a connu des hauts et des bas dans son parcours politique. Aujourd'hui, l'Uprona, parti d'opposition, qui se retrouve dans les institutions, s'oppose aux Upronistes qui sont dans l'opposition mais exclus du parti, un schéma qui reste inchangé il y a deux décennies. 57 ans après sa victoire aux élections, le parti Prona a-t-il raison de jubiler sa victoire? En quoi se résume son parcours dans la vie politique du Burundi? Quel est l'avenir du parti du prince Louis Gwagasore au regard de son passé et de sa situation actuelle? Voici les quelques interrogations et bien d'autres qui feront objet de notre débat mosaïque d'aujourd'hui. Au studio, nous sommes avec trois invités. Nous accueillons Olivier Nkurunziza, secrétaire général du parti Uprona et porte-parole de son même parti. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de l'invitation. Nous sommes également avec honorable Fabien Banchidianino, député et ancien membre du parti Uprona. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, je ne suis pas ancien membre du parti Uprona. Plutôt, moi, je suis uproniste à part entière. J'ai l'Uprona en moi-même. On le saura au cours de cette émission Mosaïque. Nous accueillons également Père Désiré Yamoulemier, analyste politique. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour à tout le monde qui nous écoute. La réalisation de Mosaïque d'aujourd'hui est assurée par Jérôme Niyonzima. Eric Ouimana assure la technique. Au micro de Mosaïque, Pacifique Chubahiro, à vous tous à l'écoute de Mosaïque d'aujourd'hui, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Olivier Nkurunziza, aujourd'hui vous êtes secrétaire général du parti Uprona. Quel est le bilan du parti que vous dressez 57 ans après la victoire aux élections de 1961? Nous sommes satisfaits que le parti Uprona, et qui passe 57 ans de victoire, mais plutôt 60 ans d'existence, c'est un parti d'abord qui a connu, comme vous l'avez dit, des secousses. Mais aujourd'hui, nous nous réjouissons parce que le parti Uprona existe parmi les partis qui ont donné l'indépendance et leur pays. Et vous savez, pas mal de pays ont eu des partis qui ont mené l'indépendance, mais qui n'existaient plus. Mais parmi les partis politiques qui existent encore en Afrique, l'Uprona existe, sinon d'autres partis ont changé même leur nom. Exemple, même en Tanzanie, c'était TAN, mais c'est CCE, mais nous gardons toujours l'Uprona. Pour bien comprendre, le parti Uprona a vécu trois phases. Il y a d'abord la phase où le parti Uprona a existé dans la période monarchique. Il y a aussi le parti Uprona qui a existé dans la période de la République, mais avec les coups d'État. Mais aussi, il y a l'Uprona qui a existé et qui existe aujourd'hui avec la démocratie qui a été retrouvée depuis 1993 avec les élections de 1993. Alors, je peux vous donner alors cette situation pour que, effectivement, ceux qui veulent l'entendre trouvent le bilan du parti Uprona. Le parti Uprona, qui a été fondé bien sûr par le prince Louis Gwagasore avec d'autres personnes, Paul Mirele Kano, Ngenda Ndumwe, Nogo André, Tadesse Diomossi et d'autres, Joseph Bamina et d'autres hommes politiques d'alors qui étaient même les plus jeunes, parce que Gwagasore a pensé à fonder le parti Uprona en 1958. C'est là où on a commencé à mettre en place le statut et penser à mettre en place le parti Uprona. Mais le parti Uprona a été agréé par le ministère de l'Intérieur d'alors le 7 janvier 1960. Alors, le parti prona, alors quand vous trouvez, a subi des problèmes après la mort de Guagasole. Guagasole avec ses amis qui ont mené à leur victoire. Parce que nous sommes en train de parler de victoire le 18 septembre, et ils avaient parti sur l'idéologie de l'unité, de la paix, mais aussi du développement social, économique, culturel et politique du pays. Alors, ils ont gagné les élections et ce que nous pouvons informer les gens, c'est que Guagasole a vécu seulement 25 jours après victoire du Parti Prona. Il n'a pas eu la chance de voir l'indépendance du pays, mais aussi il n'a pas eu la chance de mettre en application ce qu'il avait promis au Burundi comme premier ministre. Alors, au niveau du parti Prona, alors on a connu les crises, la crise que nous pouvons citer ici avec les historiens, ils peuvent se souvenir de cela. C'est la première crise de remplacer le président du parti qui dirigeait le parti, parce que le premier, c'est Nogou André, qui a dirigé le parti Prona de 58 à 1960. Alors, quand on a voulu changer la tête du président du parti en 62, qui était encore Nogou André, parce que Rufuruguta André, lui, il a dirigé le parti Prona de 60 à 61 seulement, et Nogou André, il est revenu de 61 à 62, jusqu'à le jour de l'indépendance. Alors, il y a eu la crise entre Paul Mirere Kano, qui était soutenu par Thaddée Sidiomossi, mais aussi et monsieur Joseph Bamina, qui était soutenu par Niruhama, qui était le premier ministre d'alors. Alors, à partir de là, c'était tous Thaddée Sidiomossi qui soutenait Paul Mirere Kano Hutu, mais aussi c'est Niruhama qui était Tutsi qui soutenait Joseph Bamina qui était aussi Hutu. Vous finalement, trouvez, c'était pas le clivage Hutu-Tutsi, mais on a fait une lecture de c'est là à partir de là où on a entendu la naissance de Moronvia Casablanca. On a collé le nom de Moronvia sur les groupes de parlementaires qui soutenaient Thaddée Sidiomossi et Paul Mirere Kano qui était le président du Parlement, Thaddée Sidiomossi, et d'autres, on les a appelés Casablanca. Et voilà les clivages du parti Prona, parce que là, on n'a pas pu s'entendre ce qui va être le président du parti, et on a mis en place, alors, on a la loi a conseillé à tous ces deux blocs d'aller faire un congrès, et c'est à l'aboutissement de ce congrès, on a L'histoire est longue alors, pour le parti qui a dirigé Prona, alors, a vécu ce genre de problème. Et puis, on a vécu jusque-là, il y a la rôle du Prona avec les coups d'État. Le parti Prona, on a fait le coup d'État en 66, le 28 novembre. Michombero, qui était le premier ministre d'alors, quand on a remplacé le roi, on ne veut pas parler de l'histoire, qui était le premier ministre d'alors, quand il a sur le temps de Nare 5, il a fait un coup d'État, il est devenu le président et automatiquement le président du parti Prona. Et le parti Prona a entré dans une période sombre parce que les Ipronistes n'ont pas eu la chance de voter le président du parti. Et voilà, avec on avait fait. Mais qu'est-ce qui a fait que le parti Prona se confonde avec un pouvoir militaire et du coup, et surtout qui était ici dans C'est le coup d'État parce que là, les Blancs qui n'ont pas pu accepter que l'indépendance s'enracine au Burundi, ils ont travaillé à travers les hommes politiques de cette période. Parce que vous savez, quand on a supprimé, il arrêtait Louayard qui supprimait tous les partis politiques le 23 novembre à 1966, le parti Prona est devenu parti unique. C'est-à-dire que les PDC, les PDR, les PP, tous ont devenu ipronistes et j'ose le dire, ils ont accédé même au poste pour devenir les premiers pour le parti Prona. Alors le problème que l'Iprona a eu, c'est ces personnes qui ont pris le parti sans toutefois prendre l'idéologie du parti Prona. Vous l'avez cautionné jusqu'à 1992. Le parti Prona a connu ce genre de personnes, mais pour ne pas dire que l'Iprona n'a pas connu toujours des hommes qui aimaient le parti parce que l'idéologie est là. Nous avons les livres, nous avons la formation idéologique, mais ce qui manquait, c'est la mise en application de cela. Mais au parti Prona, jusqu'alors, il y a eu des crises avec l'arrivée la réunion de la BOR qui a donner l'injonction aux pays africains de faire le multipartisme. Le parti Prona a pris le devant pour accepter le multipartisme rwandais. Et avec la crise de 1993, après les élections, vous voyez qu'au niveau du parti IPRONA, le parti qui était au pouvoir devient à cette fois sans être au pouvoir. Alors, quand tu étais au pouvoir, quand tu gérais le pays et que tu quittes le pouvoir, il y a un changement de comportement. Comme le parti IPRONA a eu un problème de changement de comportement du période monarchique vers la République, parce que même les Burundis ont résisté contre la venue de l'indépendance. Alors, toutes ces périodes. Aujourd'hui, gardez-vous les valeurs véhiculées par le prince Louis Gwagasore et ses compagnons. Exactement. Les Badassigan gardent tout cela malgré les difficultés que rencontre le pays et même le parti. Parce que le parti IPRONA est toujours confondu avec notre pays, le Burundi. Chaque fois quand il y a eu des crises au parti IPRONA, on a connu les crises au niveau du pays IPRONA, du pays le Burundi. Alors au niveau du parti IPRONA, tous ces clivages qu'a connu le pays, c'est aussi, ça vient encore, ça génère avec la crise au niveau des générations. On y vient à la crise au niveau des générations. Il y a des personnes qui n'ont pas voulu quitter et qui ont fait des cercles et qui n'ont pas, bien sûr, favorisé d'autres générations d'entrée. Vous aurez la parole à un autre tour. Je passe la parole à l'honorable Fabien Bantidianino. Vous vous réclamez toujours iproniste, mais vous avez été écarté du parti. Aujourd'hui, pensez-vous qu'après plus de 40 ans du parti IPRONA au pouvoir, le parti a toujours gardé les valeurs du prince Louis Gwagasore et compagnie? Non, le parti n'a pris ses valeurs du temps de Gwagasore. Parce que Gwagasore, lui, avait tout son temps à avancer le pays. Mais à un moment donné, le parti a été accaparé par des gens, je dirais, des gens avec qui Gwagasore n'était pas d'accord. Lui, quand il a initié le parti, il voulait l'indépendance. Mais franchement, ici au Burundi, il n'y a pas eu de successeur. Aujourd'hui, nous sommes à 57 ans de la victoire du parti IPRONA. Mais en fait, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui à l'IPRONA, Gwagasore, quand il reviendrait, il chasserait beaucoup de gens à ce Mugumya-là. Comme vous avez été chassé également. Oui, parce que nous avons été chassés par le parti au pouvoir. Ce n'est pas les locataires aujourd'hui du parti qui nous ont chassés. Ils n'avaient pas de force. Je vous dirais que, par exemple, moi j'ai lu tous les documents à partir de ce 18 septembre. Voilà le mot du président litige. C'est ce qu'il a donné, ce mot, à la nation burundaise, aux ipronistes aussi. C'était en quelle année? 18 septembre 2018. C'est très récent. Celui-ci, c'est pour monsieur président Ngaïmhène. J'ai aussi entendu à la radio ce qu'a dit Gachati. En fait, l'IPRONA, aujourd'hui, je dirais qu'à mi-chemin, celui qui dit que l'IPRONA est en train de se relever. Olivier affirme d'ailleurs que c'est le seul parti ou les rares partis qui ont même gardé leur nom plusieurs années après la conquête de l'indépendance. Oui, le nom existe. Oui, c'est vrai, le nom d'IPRONA existe. Mais franchement, est-ce que réellement, quand vous constatez ce qui se passe dans le pays, l'IPRONA existe? Oui, l'IPRONA existe encore. Non, non. Il existe chez nous qui n'ont pas adhéré au parti. Mais que le parti entre en nous-mêmes, le parti est dans nos cœurs. Mais ceux qui sont à Kumugumya, ils sont là pour profiter des biens du parti. Ce sont des locataires. Mais quand même, ils font partie de la vie publique, ils font partie des institutions. Comment ne pas reconnaître un parti politique qui est là, qui a une assise, qui a des locaux, qui travaille et qui a des membres? Ils n'ont pas d'assises. Non, quelles assises ils ont? Quand j'écoute ce qui se passe aujourd'hui à Kumugumya et quand je regarde les positions des uns des autres, je peux croire que d'ici peu, l'IPRONA peut encore se regrouper en assez IPRONA, le vrai IPRONA alors. Mais aujourd'hui, qui peut fêter 57 ans de la qui victoire de l'IPRONA? Qui peut fêter 57 ans de l'IPRONA? C'est nous qui jouissons, pas de bien du parti, mais de cette indépendance que nous parlons jusqu'à aujourd'hui. Ils sont là pour vendre les biens du parti. Ils sont là aujourd'hui pour se parler des postes politiques qu'ils occupent. Mais nous qui sommes à l'écart, parce que nous avons dit non à ce que voulait faire le parti au pouvoir, nous avons demandé que la justice soit rendue, que les procès de la Cour suprême soient exécutés. Et ils n'ont pas voulu, parce que le pouvoir voulait que l'IPRONA soit de ceux-là qui les courtisent. Mais tôt ou tard, je suis sûr qu'un jour, l'IPRONA revivra. Je voulais vous dire une chose. Chronologiquement, le parti IPRONA de 1958 à 1960 était dirigé par M. Nougou André. De 1960 à 1961, l'IPRONA était dirigé par M. André Rufuruguta. Et de 1961 en 1962, André Nougou est revenu pour diriger le parti IPRONA. De 1962 à 1965, le parti IPRONA était dirigé par M. Joseph Bamina. De 1965 à 1966, l'IPRONA était dirigé par M. Albin Nyamoya. Jusque-là, l'IPRONA fonctionnait encore. Mais après, avec les coups d'État, l'IPRONA n'a pas été dirigé par les IPRONistes. C'était des coups d'État militaires. Oui, je suis d'accord de cela. Les coups d'État militaires, ce sont des militaires qui dirigent le parti. Donc le parti n'a pas fonctionné comme parti politique parce qu'il était dirigé par des armes. Tout ce qui se passait, ça se passait comme à l'état-major. Ce sont les armes qui commandaient le gouvernement, l'État. Alors, pour nous... Est-ce que cela gênait les ipronistes de l'époque? Bien sûr, parce que le parti était ailleurs. C'est alors comme au moment où l'IPRONA était dirigé par... les militaires, c'est plutôt vers la fin des années 1993, je crois, que plutôt 1993. On a fait un congrès qui a mis en place Nicolas Mayougui. Oui, oui, effectivement. Oui. C'est le premier président élu, Nicolas Mayougui, après le coup d'État. Alors, directeur de la période des coups d'État, l'IPRONA n'a existé que deux noms. C'était plutôt une silhouette pour les militaires. Alors, plus tard, l'IPRONA, après Mayougui, est venu Charles Mukasi. Et après Charles Mukasi, est venu Riki Rukingama. Après Rukingama. À son niveau, c'était encore démocratique. Oui, c'était démocratique. C'est pas du tout démocratique parce que Mukasi a été chassé et on a mis en place Riki Rukingama par la force, par suite des événements de négociation qu'on faisait. Donc, Kigobe Kajaga, quand Mukasi qui n'était pas d'accord avec... Il n'était pas d'accord. Pour certains principes. Et on l'a chassé par force pour mettre en place Riki Rukingama. Il y avait encore de force parce que le président Buyoya était revenu au pouvoir par coup d'État encore. Effectivement, ce qu'il dit est vrai. Parce que l'IPRONA, comme parti politique, il y avait des points auxquels il n'acceptait pas. Alors que le président de la République de ce temps-là, lui, était d'accord. Alors, il a utilisé de sa force pour chasser Mukasi. Après, Mukasi est venu Riki Rukingama. Après Rukingama, c'était Alphonse Kadege. Après Kadege, c'était Jean-Baptiste Mwangari. Après Jean-Baptiste Mwangari, c'était Aloïse Rubuka. De 2009 à 2012, c'était bien Bonaventure Niyo Angana. Et de 2012, on ne connaît même pas le président du parti. Parce que pour moi, je ne peux dire que le président devrait être plutôt litigé que ses locataires du parti. Je reviendrai vers vous. Je me retourne du côté de Père Désiré Yamourémié. Autant de divergences sur l'existence de l'IPRONA pour certains. Ce n'est qu'une coquille vide. Et d'autres qui se réclament de l'IPRONA, mais qui sont en dehors. Et en même temps, un parti qui a dirigé le pays, tantôt sur la voie démocratique, tantôt par la force de coup d'État. Mais finalement, quel bilan vous pouvez dresser de l'IPRONA depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui? Bon, je ne vais pas dégager ou parler en termes de bilan. Quand on analyse les institutions, surtout les partis politiques, on parle en termes de symbolique. Quelle est la symbolique politique du moment? Et comme Olivier l'a dit, justement, il faut diviser l'IPRONA, non même pas en trois parties, mais en quatre. Et la première, qui est la fondation. Parce que les gens pensent que Rwagasore est venu comme ça à fonder l'IPRONA, mais l'idée est venue de Mire Kano. C'est la politique de villagisation qui commence d'abord l'idée de l'IPRONA, donc le développement rural, en 1956. Ce que vous voyez à Bougarama et consort, là on achète les choux, ça sont les débuts des projets de Mire Kano. Alors Mire Kano, qui sait très bien quelle est la valeur du roi, il approchait Rwagasore qui avait la même idée parce que c'était facile de gagner quand on est avec le fils du roi. Parce que le roi burundais, au contraire du roi du Rwanda, a refusé d'accepter les clichés ethniques que la colonisation avait amenés. Et cela lui a donné une grande confiance du côté des Hutus, des Tutsis, même des Batois. C'est comme ça qu'en fait Rwagasore a gagné les élections dans cet idéal de l'unité. Mais après la mort de Rwagasore, commence une autre symbolique. C'est le combat du pouvoir qui est fort. Et ça, je pense que c'est toujours le même problème, même dans beaucoup d'institutions. Qui est fort? Mire Kano se dit, ben écoutez, moi j'ai engendré l'idée des villages, maintenant vous m'amenez aussi Bamina, il y a d'autres qui arrivent, c'est moi en principe qui dois être le chef. Son combat continue et après Rwagasore, le Burundi commence à intégrer une logique ethnique de gestion du pouvoir, une logique ethnique des élections. il faut le dire. 1964, la majorité des parlementaires étaient Hutus. Et par conséquent, comme ce sont eux qui devraient proposer un premier ministre, ils ont proposé un Hutu et le roi a refusé de nommer cette personne. Il a remplacé par quelqu'un d'autre. Déjà, vous voyez, à ce point-là, commence à naître une problématique de ce que j'appellerais la symbolique du malheur. Il y a la symbolique du bonheur qu'elle prône à Kony qui a amené l'indépendance. Il y a la symbolique du malheur qui commence déjà en 1964. Et puis, cette période de coup d'État. Évidemment, ceux qui ont fait le coup d'État se sont appropriés l'Uprona comme instrument du pouvoir. Et c'est ce que j'appelle le malheur de l'Uprona. Se servant de l'Uprona comme symbolique du pouvoir, comment est-ce que ces pouvoirs ont réagi? Comment est-ce que ces pouvoirs ont gouverné? Donc cette symbolique du pouvoir, la manière dont ces pouvoirs ont gouverné, c'est la symbolique que le peuple a de l'Uprona. À partir de 1966, quand Michombero fait un coup d'État. Donc, pour la majorité des peuples des Barundi, à partir de cette période... Aujourd'hui ou au moment du premier coup d'État? À partir de ce moment-là, jusqu'en 1993, je vais y arriver. Mm. C'est ça qui t'explique pourquoi ils n'ont pas gagné en 1993. Mm. Cette symbolique du malheur va continuer dans la Première République. Et puis la gestion du pouvoir de ce moment, entre 66 et 93, c'est une gestion régionaliste, non seulement ethnique, mais régionaliste, voire même clanique du pouvoir. C'est à ce moment où le clan de Bahima devient fort dans le pays. Cette logique-là, qui va s'amorcer, comme Olivier l'a dit, avec la conférence de la Bolle, où les pays africains sont démocratisés sans le vouloir, a été aussi une logique de gestion du pouvoir de Pierre Buyoya. Pierre Buyoya, quand tu vois comment il a géré les élections de 93, il s'est basé sur les données ethniques du Burundi pour penser qu'il peut gagner l'électorat autour. Un exemple, justement, comme on l'a dit, c'est comme ça qu'il a nommé Nicolas Mayougui. Bon, on va dire qu'il y a un congrès, il y a une élection, il a nommé Nicolas Mayougui. Vous connaissez le gouvernement de l'unité. Et vous connaissez, alors, j'arrive en 93, qui était chef de campagne, parce qu'il s'appelait Atungimana, Fridolin. Vous voyez même l'enfant qui était sur la pancarte, qui dit voter l'unité, je pense que c'était une de ses filles. Buyoya a eu la confidence de cette représentation ethnique, a organisé des élections très démocratiques, pensant que la seule symbolique est suffisante pour gagner les élections. Mais la majorité des votants, ça veut dire les Hutus, avaient une symbolique de malheur par rapport à l'Uprona. Ça veut dire tout ce qui leur est arrivé pour eux, la cause, c'est l'Uprona. Par conséquent, si tu leur donnes une marge de manœuvre de voter, ils ne pouvaient pas voter l'Uprona. Ça, je pense que si Buyoya avait su ça, il allait voler les élections. Il a investi dans une logique qui ne pouvait pas fonctionner. À ce niveau, du moment que les deux upronistes, s'ils me permettent de le dire ainsi, acceptent que pour toute la période des coups d'État, l'Uprona n'a jamais dirigé. Quand vous associez le Pierre Buyoya putschiste et le parti Uprona, est-ce que vous pensez que vous serez d'accord avec les deux upronistes? Non, ça veut dire quoi? Ce qu'on appelle la symbolique du pouvoir, c'est quoi? Quand tu es membre d'une institution, même si après tu dis que je n'avais pas le pouvoir, tu assumes ce que l'institution a fait. Je me rappelle très bien après les élections de 1993, j'étais à l'université. Il y a des universitaires qui ont fait la marche de manifestation contre la victoire d'Ondadaï. Je me rappelle, il y avait des pancartes où on dit que Musigati a eu 104%, que les élections étaient recensement ethniques. Qui dit élection dit aussi la recherche d'une majorité qui peut t'élire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Uprona tel qu'il a évolué avec les putschistes de la période de putsch ne peut pas, au niveau de la symbolique, je ne sais pas si vous comprenez, la manière dont les gens se représentent le parti. Mmh. C'est de ces pouvoirs-là qui font que les gens se représentent le parti de cette manière. Est-ce que les braves upronistes sont prêts aujourd'hui à changer la donne de la symbolique qui est dans le cerveau et dans la mémoire des gens? Au fond, quand un Burundais X, si la colline X parle de l'Uprona, il pense en quoi? C'est ça, en fait, les questions que les dirigeants actuels doivent se poser. Et l'histoire est très récente. Et de surcroît, vous voyez, avec le retour de Buyoya au pouvoir, et puis l'Uprona a eu des gens à ce moment extrêmement puissants. Ce sont les Likerukingama, ce sont les Kadé. Quelle est la symbolique de quelqu'un de Rutegama ou de quelqu'un de Chindajuru quand il pense? Parce que les gens de Burundi ne sont jamais imaginés. Quand il pense, par exemple, à cette période-là. Parce que c'est une période sombre dont la symbolique concerne l'Uprona. Et de surcroît, si vous avez bien suivi dans la gestion des institutions, il y a un problème. Les présidents de l'Uprona se remplacent à tout moment. Tantôt une année, tantôt deux ans, tantôt quelques quelques mois, ça veut dire qu'il y a un problème de solidification idéologique. Ça veut dire quoi? Depuis l'accord d'Arusha qui a mené le parti du pouvoir, l'enjeu de l'IPRONA n'est plus dans son idéologie, mais dans le nombre de pourcentages qu'Arusha a attribué aux Tutsis. C'est ça le cœur du problème. Est-ce qu'ils sont prêts maintenant à reconstruire cette idéologie de Rwagasore qui a fait qu'il y a conquête de l'électorat? Est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien. C'est à eux de jouer. Mais voilà le schéma classique de ce qui s'est passé dans l'IPRONA. Et dans l'imaginaire des Burundais ou des Tutsis, pensez-vous que les Tutsis croient que le parti milite pour leur cause? Ça, c'est un autre problème, effectivement. Donc, quand je vois le panorama sociopolitique des Burundais, la donne ethnique ayant changé, il faut jouer autrement. Ça veut dire maintenant, tu trouves les Tutsis dans le sein de FDD, tu trouves les Hutus dans le sein de FDD, tu trouves les Tutsis dans l'IPRONA, tu trouves les Hutus dans l'IPRONA. Tu trouves le Hutu dans l'opposition, tu trouves le Tutsi dans l'opposition. Mais tout ce qu'on peut savoir, c'est que dans le jeu politique actuel du moment, il serait difficile à l'IPRONA de gagner. Ça veut dire d'avoir la première place. Parce que l'histoire est récente et il faut que les Burundais apprennent à donner à leur histoire 10 ans. Les Burundais, souvent, n'ont pas joué avec le temps, avec la réalité historique. Or, la réalité historique, c'est un fait qui est cruel, qui est brut, qu'on ne peut pas changer, qu'on le veuille ou pas. Donc, l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu aujourd'hui, comme je le disais, au niveau de l'IPRONA, c'est un jeu de pouvoir. Depuis, la Côte d'Arusha est devenu un jeu de pouvoir. D'abord, je pense que la Côte d'Arusha aussi a engendré une paresse chez les IPRONistes, de ne pas chercher les voies. Pensant que, bon, c'est déjà assuré, nous avons nos 40%, qu'on court ou qu'on ne court pas, ce n'est pas grave. Ça aussi, il faut quitter la paresse où on pense que l'électorat est déjà d'office. Ce n'est plus d'office. Il faut maintenant convaincre l'électorat autrement. Olivier Nkurunziza, pensez-vous que le parti, après toute cette histoire qui est longue par ailleurs dans la vie politique burundaise, le parti a encore des défis? Et s'il y en a, à quel niveau? Un parti qui vient de passer plus de 60 ans parce que le parti IPRONA a été mis au jour en 58, c'est à peu près 60 ans. Par exemple, 57, c'est sa victoire. Alors, au niveau du parti IPRONA, il y a des défis. Un homme qui vient de passer 60 ne peut pas ne pas avoir des défis. Comme on vient de le dire, effectivement, après les élections de 93, avec Mukasi, il y a eu la naissance des ailes au niveau du parti IPRONA. Les ailes, d'ailleurs, c'est à partir de ce temps-là où on a parlé ailes Mukasi, ailes Kumugumia. Voilà la naissance de se mettre dans les ailes a commencé à Dasota. Avec analyste, il remonte même juste après l'indépendance du Burundi. Mais qu'est-ce qui fait que justement le parti IPRONA soit toujours caractérisé? Au niveau du parti IPRONA, vous savez, au niveau, quand on gère un parti, il y a des problèmes internes et externes. Les facteurs externes, il y en a. Un parti IPRONA qui a gouverné un pays ne devrait pas échapper à la géopolitique. La géopolitique du moment ou d'alors qui jouait aussi faisait du mal au niveau du parti IPRONA. Parce que les Belges qui n'ont pas voulu que Rwagasore existe ont travaillé autrement. Je l'ai dit même qu'au niveau du parti IPRONA, quand on a connu un parti unique, il y a même ces gens PDL qui ont entré dans les structures du parti IPRONA et qui ont servi autre chose. Pour moi, ça, c'est un défi qu'on a connu au niveau du parti IPRONA. Alors, l'homogénéité de l'idéologie a connu un problème, c'est effectivement là. Est-ce qu'au niveau du parti IPRONA, alors, aujourd'hui, quand on a connu tous ces problèmes, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que si le pays a connu des problèmes, l'IPRONA l'a connu le premier, parce qu'on commençait à passer par l'IPRONA. Souvenez-vous que tout ce qui ont dirigé le parti IPRONA était formé d'abord à l'école loyale des cadets, en Belgique, qu'il soit Michombero, qu'il soit Buyoya, qu'il soit Wagaza, tous ces hommes étaient formés d'abord là et on faisait des codes. Alors là, au niveau du parti IPRONA, a toujours connu des problèmes de la géopolitique qui jouait. Mais aussi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a connu? On a connu ce problème, comme on vient de le dire, la connotation ethnique. Il y a un problème de connotation ethnique aujourd'hui. Parce qu'avec la négociation d'Arusha, le parti IPRONA, je dirais, ceux qui ont pris la position, se sont mal positionnés. Parce que le parti IPRONA, dès sa naissance, ce n'est pas un parti qui a une connotation ethnique. Avoir Rwagasore pour Mirekane, c'est un parti de tous les Burundis. De l'unité. De l'unité. Mmh. Et il y a de tous les Burundis. Mais avec, pour partager le pouvoir, avec Mandela, sa philosophie de voir comment faciliter, on a dit G10, G7. Et le parti Iprona a tombé dans ce piège de prendre la position de G10. C'est à partir de ce moment où, aux yeux de tous les Burundis, on a vu que le parti Iprona est un parti de tous. Alors que ce n'est pas vrai. Vous regrettez la formule d'Arusha? Oui, nous regrettons la formule de mettre le parti Iprona en G10. Mais le parti Iprona, c'est un parti de tous les Burundis. Parce que partait dans toutes les provinces. Nous avons on a voté des sénateurs. Il y a des Hutus, il y a des provinces où il y a la majorité de quoi, où on trouve que toutes ces personnes, ce ne sont pas des Tutsis seulement qui peuvent voter le parti. Alors, ce problème d'éthiniser le parti. Mais peut-être qu'on regarde au niveau du directoire, au niveau national, est-ce qu'il y a vraiment des Hutus? Monsieur Fabien a énuméré le président du parti Iprona. Au niveau du parti Iprona, c'est le premier parti au Burundi qui a connu le président du parti de tous les ethnies. Nous sommes à partir à peu près de 18e président aujourd'hui et on a plus de 7 Hutus. Je peux énumérer à partir de Joseph Bamina était Hutu, oui, Nicolas Mahuki était Hutu, Likeru Kingama était Hutu, même Nditije qui a passé de cette période était Hutu, Konseli Nibigera était Hutu. C'est là. Donnez-moi un parti ici au Burundi qui a été dirigé par les Hutus et Tutsi, sauf l'Iprona. Alors là, ce n'est pas un problème ethnique. Alors, ce que nous sommes en train de relever, c'est ce défi de relever pour que le parti Iprona ne soit pas un parti de connotation Tutsi. Parce que on l'a utilisé comme instrument, comme on l'a dit, pour se protéger, comme un bouclier. Mais le parti Iprona, aujourd'hui, doit retrouver son air pour qu'il puisse travailler et gagner les élections. Et nous avons l'espoir que nous pouvons gagner les élections. Parce que les Burundis ont vu qu'un Hutu peut gouverner et les Hutus peuvent mourir. Les Tutsis peuvent gouverner et les Tutsis peuvent mourir. Aujourd'hui, le problème des Burundis, c'est le problème de pauvreté, c'est le problème de chômage. Ce n'est plus le problème de l'homogénéité au niveau des ethnies. Mmh. C'est la raison pour laquelle nous avons l'espoir que le parti Iprona va se relever et gagner les élections. Exactement. Il y a l'analyste politique qui dit que l'Iprona serait berné par l'accord d'Arusha qui consacre un certain pourcentage aux Tutsis et dans l'imaginaire qui suppose l'Iprona. Mais plutôt, ce n'est pas ça. Les crises qu'a connu le parti Iprona, bien sûr, peut prendre même les racines à partir de là. Comme on lisait que l'Iprona, c'est un parti de Tutsi, que le premier, quand le président, et tous les Burundis ont pensé que tous les présidents, tous les jours, deviendront toujours des Hutus, et que le président deviendra dans le parti qui a majorité Tutsi. L'Iprona, on dit que c'est un parti où il y a la majorité Tutsi parce qu'il faut prendre la cartographie électorale. Si on trouve qu'à Mugamba, on a élu l'Iprona, quand on trouve qu'à Agenda, on a élu l'Iprona, en commune Mukik, et dans tout cela, on trouve qu'il y a beaucoup de Tutsi, mais ce ne sont pas seulement des Tutsi. Il y a Chibitoke, il y a Muyinga, il y a Ruigi, on trouve des Hutus qui votent. Mais c'est le parti où on trouve beaucoup de Tutsi qui votent, mais ce ne sont pas des Tutsi seulement. Alors là, au niveau de l'accord d'Arusha, moi je me posais la question. Une fois, par exemple, il y aurait un président Tutsi qui venait de l'autre parti politique. Est-ce que c'était à l'Iprona qu'on devrait donner un vice-président? Et tout cela a été l'objet, au fait, de divisions au niveau du parti Iprona suite à la mise en place d'un premier vice-président. Chaque fois, celui qui veut devenir premier vice-président, il devrait d'abord écraser le président du parti qui trouvait qu'il n'est pas favorable, parce que chaque fois, le président, c'est le parti qui donnait le nom de celui qui faisait avancer. Et ça a été la source des conflits, des problèmes. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle constitution, je pense que vous n'aurez pas ces problèmes. Ce n'est pas même avec la nouvelle constitution aujourd'hui. Au niveau du parti Iprona, nous avons vu ce défi et nous sommes sûrs que nous devons travailler et avoir des voix pour gagner les élections. Mosaïque. Je passe la parole à Honorable Fabien. Lorsque l'analyste énumère plusieurs défis auxquels fait face le parti Iprona et que Olivier a l'espoir que tout pourra être réglé et redorer l'image de l'Iprona, avez-vous le même sentiment? Oui, oui, j'ai le même sentiment. Et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui à Kumugunya, je crois que c'est la toute dernière tendance. Bientôt... Qu'est-ce qui se passe là-bas? On a entendu les nous sommes en train de rassembler tous les Badassigana. C'est la raison pour laquelle le parti sera réunifié. Oui, oui. Il y a Fabien qui a une autre façon d'envisager les choses. Ce ne sont pas eux qui doivent rassembler les Badassigana. Non, non. Mais plutôt, on va se rassembler nous tous. Parce que eux-mêmes... On a fait appel à vous? Nous avons fait appel bien longtemps avant. Ils n'ont pas voulu. Mais quand ils commencent à accepter, c'est bon. On va se concerter. Pour le moment, je suis sûr, d'ici peu, il doit y avoir une issue. L'IPRONA, aujourd'hui, est à mi-chemin. D'abord, c'est de Kumugumi. Ils sont à mi-chemin. Oui, la constitution actuelle favorise les choses parce qu'il n'y aura plus des indépendants. Celui qui veut va regagner le parti. C'est vraiment normal. Vous l'avez cautionné. Cette constitution, elle va vous frapper. Attendez d'abord. Je vous dis, aujourd'hui, si l'IPRONA se relevait bien, ce que, comme le dit monsieur secrétaire général de Kumugumia, c'est possible qu'il prenne gagne les élections. Parce que moi, je suis sur le terrain. Il est secrétaire général de l'IPRONA. Il est secrétaire général de Kumugumia. Parce qu'il a d'abord un poste éjecté, il est déjà directeur à la Sobujaya. Alors, l'embrassement d'un autre qui est pour aujourd'hui n'est pas d'accord. Ça, c'est une communication violente. Il faut communiquer sans violence, non. Monsieur l'honorable, c'est bon. Mais parce qu'on se connaît. On a été premier secrétaire, j'étais le premier secrétaire. Nous sommes des ipronistes. Lorsque l'Iprona était encore aux activités. Oui, parce que l'équipe qui était à Kumugumia n'est là que pour vendre les biens de l'Iprona. On a vu, il n'y en a plus. Ils doivent les prendre l'enjeu devant la justice. Non, non, il ne faut pas mentir. Les auditeurs, là, ça sera un autre débat. Ça sera un débat. C'est un mensonge. Des parcelles ont été vendues. Je suis sûr qu'un jour, une fois réunifiées, il y a ceux qui doivent répondre un jour sur les biens de l'IPRONA. Mais ça, c'est un idéal. Mais il faut vous réunifier, il faut affronter les défis. Nous devons nous réunifier. Quels sont ces défis à votre niveau que vous sentez que ça reste un problème pour le parti? C'est justement ce positionnement de ceux qui acceptent et qui cautionnent qu'au pays, il y ait des lois qui ne sont pas à la taille du Burundi. Voilà par exemple que l'IPRONA hier. Toi, tu es à l'Assemblée, tu es là. Je suis à l'Assemblée, je pense que tu es là. Quand on parle que l'IPRONA est en train de cautionner, alors que nous avons des députés, alors que vous êtes plus de 20, qu'est-ce que vous faites pour ne pas faire passer ces lois? Tu es là, monsieur. Il ne faut pas tromper la population burundaise. Je ne trompe personne. Je parle régulièrement. Tout le monde m'entend. On n'a jamais entendu. Donc, une seule journée, vos ipronistes et députés parleraient de ce qui se passe négativement dans le pays. Alors, ce qui me réjouit aujourd'hui, si Konsili Nibigira, hier, jouait pour le camp du parti au pouvoir, une fois, comme il n'est plus de la première position, il a une équipe qui est contre l'autre équipe, mais quand je constate cela, ça m'a enchanté dans ce sens que quand quelqu'un ne se regarde pas avant de penser, c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, je suis sûr, d'ici peu, les ipronistes et je suis à l'œuvre peuvent se retrouver et travailler ensemble. Mais nous allons toujours demander à ce que cette constitution change parce qu'elle n'est pas de la taille du Burundi. D'abord, sur les accords d'Arusha, qui ont donné espoir des manœuvres politiques. Parce qu'en politique, il faut négocier. Pour que les choses aillent bien, ça devrait plutôt prendre du temps et évaluer pour qu'on puisse changer la constitution. Puisque tout le monde peut le dire, de 2005 à 2015, ça allait encore. Si n'eût été la violation de la constitution du troisième mandat, tout allait bien. Je pense que c'est un autre débat là. Non, car les vrais ipronistes n'ont pas cautionné la troisième mandat. C'est ça, le problème est là. D'ailleurs, au niveau même mondial, on connaît bien que le nœud du problème aujourd'hui, c'est plutôt les accords d'Arusha et le troisième mandat. Alors, quand on commence à fabriquer cette constitution, que ces ipronistes de Kumugumia ont cautionné, voilà que demain, une fois réunifiés, ils se résistent quand même. Je suis sûr. On se parle. Sinon, quelques années, dans d'autres élections, l'IPRONA aura une place de choix et aura bien, parce que l'IPRONA a toutes les tendances. Comme mon frère l'a dit, à l'IPRONA, il y a tout le monde. Je passe la parole à Désiré Amouremié. Aujourd'hui, il y a autant pour les Ipronistes qui sont dans les institutions et ceux qui sont éjectés croient toujours à l'avenir de l'Iprona. C'est la même vision? Je n'hypothèque pas possible, mais déjà, Fabien vient de parler de notre groupe qui est maintenant contre notre groupe, même s'il n'a pas bien précisé la question. Je pense que... Et que souvent, ça aboutit à l'éjection. Moi, je pense que... Dans le groupe, parmi les deux. Oui, c'est toujours la même logique. Mais il me semble que... Et je pense qu'il n'y a pas de groupe. Je suis ici pour quand même éclaircir au niveau de l'opinion. Il n'y a pas d'autre groupe. C'est peut-être les souhaits déjà. Vous aurez la parole. Oui. Heureusement. Donc, je le dis pour tout le peuple burundais qui m'écoute, surtout les acteurs politiques burundais. Les Burundais ont la tendance de ne pas être logiques avec eux-mêmes. C'est pourquoi je n'ai jamais entendu des Africains qui comptent sur l'opinion internationale comme le Burundi. L'Afrique a beaucoup de problèmes dans beaucoup de pays, mais je n'ai jamais vu un Africain qui compte sur l'opinion internationale comme certains Burundi. Oh, cette opinion internationale, elle n'existe pas. Les gens ne savent pas, les gens pensent qu'elle existe. Au niveau de la gestion mondiale, il n'existe que des intérêts. Il faut que les gens entrent dans cette logique. Alors, l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, qui est une plateforme politique, ça veut dire une fondation politique, ne peut qu'être une fondation politique. Et par ailleurs, les gens l'oublient très vite. Ici au Rwanda, ils ont signé l'accord d'Arusha qu'ils ont appliqué pendant X temps. Ça a été signé le 23 août. 1993, et le président Dada y était présent. Mais le substantif de l'accord est resté. C'est comme les affaires de quand les Burundais discutaient constitution. Vous savez, dans la logique politique, aucune personne ne peut prétendre intervenir dans une constitution d'un pays. Ça n'existe pas. Parce que c'est le texte le plus souverain qui existe. S'il est bon, s'il est mauvais, c'est pour les Burundais. C'est aux Burundais de décider qu'est-ce qu'ils en font. Dernière chose, vous savez, nous sommes les seuls parmi les Africains qui demandent des sanctions économiques à nos frères. Je dis, je vis en Europe, ça je vous le dis, je n'ai jamais entendu un Camerounais qui va à l'Union Européenne pour dire sanctionner le Cameroun. Parce que c'est sanctionner ton frère, c'est sanctionner ta maman. C'est ça la logique des Camerounais. Il dit là, je ne peux pas passer, je sanctionne ma mère. En dernier lieu, pour répondre à la question, est-ce qu'ils peuvent se réunir? C'est une affaire de volonté. Pour qu'ils se réunissent, même d'ailleurs presque tous les partis politiques, il faut entrer dans le jeu démocratique classique tel qu'il existe partout. Dans un parti politique, s'il arrive que vous ne vous attendez plus, tu as même l'opportunité de créer ta part. Parce que la politique est dynamique. Je vous montre le cas du Kanu. Kanu du Kenya, il existe encore. Mais imaginez-vous que même le fils d'Uhuru n'est plus dans le Kanu. Parce que la dynamique ne le permettait plus. Donc, au niveau de son parti qui a donné l'indépendance, dont le fils a donné l'indépendance avec le prince Louis Rwagasore, s'ils veulent se réunir, c'est de ne pas trop penser aux données statistiques d'Arusha. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, un professeur, j'ai dit, il n'y a pas de problèmes politiques qui sont résolus par des chiffres. Ça, c'est, je le dis et je l'assume, Sophie, une grande erreur d'Arusha. Penser qu'on peut résoudre les problèmes burundais, historiquement enracinés depuis 1900, comme, depuis Nare, que tu veux résoudre par les chiffres, appelés 40, 60, 50, 50, ça ne peut pas résoudre les problèmes. Au contraire, ce qui peut résoudre nos problèmes ici, et aussi de l'Iprona, c'est d'entrer dans une logique de gestion de pouvoir normale comme tous les autres. Sinon, tant que les jeux de pouvoir sont dedans, tu vois, Fabien dit que Olivier sont en train de vendre les biens. Ça, c'est un point culminant de non consensuel. Parce qu'il s'agit aussi du pouvoir. Il s'agit aussi du bien. Tu sais, Chubahiro, il n'y a pas de gens qui se divisent facilement. Mais les gens toujours se divisent à cause des biens. Ça peut être des biens politiques. Ça peut être des biens économiques. Ça peut être des biens religieux. Qui peut caractériser d'ailleurs toutes les institutions. Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'ils peuvent retourner à la première logique de Mirekane de Rwagasore. Est-ce que c'est encore possible? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui les empêcherait? Ce qui les empêcherait, c'est le jeu du pouvoir. C'est le jeu du pouvoir. Et regardez très bien dans ce pays, tous les partis politiques sont d'accord pour une chose, la liste des députés. C'est ici, on vote les listes. Est-ce que le parti Iprona ne serait pas versé dans le jeu du parti au pouvoir, comptant sur ses faiblesses pour rester avec son parti afin de diriger ensemble? Mais ça fait partie de la stratégie. En politique, on stratégise. Et chacun stratégise selon ses intérêts. Mais qui en a profité plus que d'autres entre le parti au pouvoir et l'Iprona aujourd'hui? Mais le parti au pouvoir, parce qu'il a un collaborateur qui représente précisément Arusha, et ça les arrange politiquement. Et il faut que les Burundais entrent dans le jeu politique. La politique n'a pas trop de sentiments. Donc ce qui m'arrange, c'est une séance d'élimination. Ce qui m'arrange, je prends. Ce qui ne m'arrange pas, je débarrasse. Mmh. Olivier Nkurunziza, l'analyste dit que le parti PRONA aurait été entraîné par le parti au pouvoir et du coup le parti se sera un peu distancé de son idéal. Et il y a eu une autre réaction que vous voulez faire par rapport au propos de Honorable Fabien. Monsieur Honorable, il confond deux choses. Peut-être quand on est ici sur le micro, quand on parle, il faut d'abord avaler la colère et penser normalement, comme on peut le dire. Et parler ces histoires de des hommes de Kumugumia qu'on est en train de vendre et tout cela, je pense que c'est l'opinion. Monsieur, il est témoin, il ne m'a jamais rencontré et m'a demandé effectivement qu'est-ce qui se passe là. Je pense que tout ce qu'il est en train de parler, ce sont des choses qu'il a lues sur le WhatsApp, que ce sont des choses qu'il a entendues sur les réseaux sociaux, mais tout cela, c'est pour l'opinion. Mais au fond, vous n'avez pas de problème aujourd'hui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, ce que je dis, au niveau du parti, le parti est constitué par des hommes, parce qu'on ne rencontrera jamais Uprona qui se déplace quelque part. Ce sont des hommes. Mais au niveau du parti, pour détecter qu'il y a un problème, c'est quand les organes ne fonctionnent plus. Mais les hommes peuvent avoir des problèmes, manquer un poste quelque part, avoir un problème entre les membres, ce sont des problèmes de ce ne sont pas des problèmes du parti. Et là, pour dire qu'il y a un problème de parti, c'est quand les organes du parti, quand le président du parti et la direction ne fonctionne plus, quand le bureau exécutif ne fonctionne pas, quand le premier secrétaire provincial quand tout cela, et quand nous faisons des réunions statutaires qu'on rencontre et qu'il y a des problèmes là c'est il y a un problème. Mais au niveau là il y a un problème. Mais un problème d'un membre du parti, qui perd un poste quelque part. Effectivement, c'est un problème d'un membre, ce n'est pas le problème du parti. Mais pour régler ça... Mais dans l'histoire du parti, il y a toujours des membres qui se positionnent et qui construisent un courant qui les amène ou qui les fait perdre des postes qu'ils ont occupés. Ça a existé. Mais nous sommes là pour quand même pour que ces choses ne se répètent plus. Moi, je pense que tout ce que les gens pensent, c'est avec la situation actuelle politique. La situation actuelle politique, il y a des gens comme Honorable qui étaient dans le courant d'Amizeria Barundi avec Gwasa qui a pensé de mettre en place un autre parti politique. Ils ont eu peur peut-être d'aller dans ce parti. Aujourd'hui, ils pensent revenir. C'est comme alors un robinet qui n'est pas bien fermé où il y a les gens. Pour nous, au niveau du parti, nous, les gestionnaires actuels, nous continuons à comprendre tout ce qu'ils veulent. Mais pour passer là, ce ne sont pas eux qui donnent des injonctions. Mais il faut qu'ils passent par la base et revenir au niveau du parti. Et puis, pour bien sûr leur donner encore une fois la formation idéologique. Parce que le problème de la formation idéologique, c'est ça. Tu ne peux pas être dans une autre formation politique et revenir comme ça. C'est discutable. Alors, ce que nous voulons, nous cherchons les voies. Toutes ces hommes qui veulent revenir, regagner le parti, nous sommes là et avec les bras ouverts. Et avec tout ce qu'il y a l'analyste qui pense que le Uprona a joué le jeu du parti au pouvoir et qu'au finish, c'est le parti Uprona qui perd. Effectivement, quand tu fais une lecture biaisée, tu peux dire que le parti Uprona a joué un jeu du parti au pouvoir. Le parti Uprona, depuis l'indépendance, il n'a jamais quitté, bien sûr, le pouvoir. Parce que, et cela, ça n'a pas des choses qu'il a reçues gratuitement. Et effectivement, avec la constitution. Mais il appelle les Upronistes de jouer un jeu démocratique. Parce que ce n'est pas le jeu du parti au pouvoir. Mais c'est ce que la constitution nous donnait. Et être au pouvoir, c'est quoi? Quand on a un premier vice-président, quand on a des ministres, quand on a des quoi, ce sont des hommes qui travaillent, bien sûr, avec un partenaire qui existe là, se mettre ensemble et discuter. Ce n'est pas à dire que vous êtes téléguidé, pas du tout, pas du tout. Mais je pense que le parti Uprona est là pour contribuer et construire le pays. Ni t'étais le parti Uprona aujourd'hui, en 2015, aujourd'hui, l'honorable qui est en train de parler, qui a été bien sûr voté sans toutefois se voter, il aura quand même le temps d'aller siéger. Mais avec la stabilité actuelle, il peut venir ici à la radio parler comme ça. Mais c'est grâce à l'Uprona, à l'effort que nous sommes en train de conjuguer avec le parti au pouvoir, avec d'autres formations et des partenaires. Là, alors, au niveau du parti Uprona, nous sommes totalement contents de ce qu'on peut faire pour ramener tous ces membres qui sont en dehors du pays et ceux qui sont aujourd'hui. Quand il a parlé des discours d'Onditije, d'Ongaïmenda, Gaïm Honda et Nditije, ils étaient ensemble. Et ils ont connu des divisions étant à l'extérieur. Et vous pensez quand ils reviennent aujourd'hui qu'il y aura la paix? c'est un problème, c'est une maladie. Justement, vous envisagez un avenir radieux du parti IPRONA. Pensez-vous que l'IPRONA pourrait gagner encore une fois les élections nationales? Le parti va gagner les élections. Vous savez, depuis 66 à 93, il y avait une génération jusqu'à 27 ans. Mais aujourd'hui, de 93 jusqu'en 2020, il y aura une génération encore de 27 ans. Vous voyez? Alors, tous ces jeunes qui sont là, ce sont des jeunes qui ont été mis au monde sans toutefois connaître tous ces problèmes de quoi et de quoi. Ils sont là, ils veulent la paix, ils veulent la vie, il y a le chômage. Alors tous ces gens-là, je pense qu'ils vont changer les choses. Au niveau du parti IPRONA, alors nous sommes là pour accueillir les jeunes. Plus de 50%, de plus de 60% au Burundi sont des jeunes. Mais aussi, nous sommes tentés... Honorable Fabien ne risque pas de manquer sa place. Il a ses enfants, il viendra quand il veut. Est-ce que quand tu vas quitter le parti, est-ce que ceux qui ont quitté le parti IPRONA, ce n'est pas celui, c'est celui où il y a des fraudebus qui ont quitté l'IPRONA, il y a ceux qui se trouvent au parti au pouvoir, il y a les FNL. Tous ces gens qui ont quitté le parti IPRONA, nous sommes là pour les interpeller de revenir parce que le parti mère et le parti père est toujours là. Honorable Fabien, vous pensez que l'unification pourra ressusciter, comme vous le dites, le parti IPRONA. Est-ce que pensez-vous qu'il y a encore de l'espoir pour que cette réunification ait lieu et que le parti IPRONA puisse même envisager de gagner des élections? Oui, effectivement, il y a lieu de penser à cette réunification pour deux voies. Il y a d'abord l'exécution des jugements, ça c'est un. Deux, parce qu'en politique, tout est permis. Puis il faut aussi avoir un consensus. L'exécution des jugements au niveau de la justice. Il y a des jugements rendus par la Cour suprême. C'est pas l'IPRONA qui va le faire. Ce sont les IPRONA qui vont le demander. S'ils reviennent à la raison, c'est le locataire de Kumugumya. S'ils reviennent à la raison pour que la justice soit rendue, la justice a été rendue pour qu'elle soit exécutée, tout est possible. Deuxième vision, ça peut faire par consensus. On peut se concerter, voilà. On revient à la raison, les choses peuvent se passer comme ça. Parce qu'on peut négocier toujours en politique. Sinon, je dis haut et fort, je suis toujours IPRONiste, parce que pour moi, si vous voulez bien, je ne me suis jamais entré à l'IPRON. C'est plutôt l'IPRON qui est entré à moi. Est-ce que alors, tu n'es pas IPRONiste? Est-ce que je suis IPRONiste, parce que là où je suis, partout où je suis, je ne fais que parler, que rêver les idées de Rwagasore. Mais quelles sont les conditions que vous posez, par exemple, pour que vous reveniez au parti et pactisez avec Olivier? Moi, j'ai dit ça fait deux voies. C'est la voie judiciaire qui a été. Les procès qui ont été rendus par la Cour suprême. C'est une bonne chose. À défaut de cela, on peut faire un consensus. Par exemple, je suis en train de préparer bien le 57e anniversaire de la victoire, de la mort du président Rwagasore. Voilà, déjà, je suis déjà à l'œuvre. Je peux vous montrer. Vous me verrez avec des t-shirts inscrits comme ça. Est-ce que je ne suis pas IPRONiste ici? Qui ferait ça plus que moi? Mais il y a les gens de l'IPRONA. Non, nous ne sommes de l'IPRONA. Qui vont s'organiser pour la même occasion. Je ne sais pas qui le faire. Mais je suis déjà en train de le faire. Et je l'ai fait même l'année dernière. Et je le ferai encore cette année. Mais pour moi, tous ces discours-là que je vous ai montrés. Quand il est entré, celui qui élabore les lois, qui vote les lois et qui commet des fautes comme ça, qui fait des choses contre la loi, c'est un problème. Une fois. Je ne suis pas du tout contre la loi. Je demande que la justice soit rendue. Je demande que les procès rendus, les procès prononcés doivent être exécutés. C'est ça justement. Vous réintégrez le bien parti. Sûr. Une fois les procès exécutés, je ne réintègre pas. Je suis déjà dedans. Je suis proniste moi-même. En moi-même, je suis proniste. Monsieur Chouahiro, vous ne m'entendrez jamais parler des idéaux qui ne sont pas que ceux de Rwagasore. Merci, nous sommes vers la fin de cette émission. Père Désiré et Amoulémié, à entendre les deux IPRONistes, comment pensez-vous l'avenir de l'IPRONA au regard de la situation du passé, mais également actuelle? Il y a certaines choses que vous, les journalistes, vous voulez forcer des choses. L'IPRONA qui existe au niveau politique, c'est celle qui est légale. C'est comme ce que l'honorable Fabien dit, c'est comme si je dis, tu sais, quand on baptise les gens, on donne les cadeaux au baptême. Tu sais pourquoi on les donne? C'est la preuve que tu es catholique. Si tu vas dans une paroisse, c'est ça qu'on te demande. Donc si quelqu'un nous quitte, par exemple, qu'il parte, je ne sais pas où, et qu'il dit qu'il reste catholique, c'est bon, nous sommes très contents. Mais ce que je dirais pour l'honorable Fabien, s'il veut la réunification, qu'ils en fassent. Mais vous devez aussi savoir, Souvent, ce n'est même pas nécessaire. La dynamique politique peut exiger que vous vous séparez même au point de vue idéologique. Et puis, il y a aussi une certaine logique burundaise de certains acteurs politiques. On ne peut pas outrepasser l'État. Il n'y a pas une chose que tu peux faire dans une république en pensant outrepasser l'État. Donc, ça veut dire que tu dois entrer dans la logique de collaborer avec la loi, parce que c'est l'État qui fait la loi. Il est honorable, il vote sur pas des lois. Donc, tu dois collaborer avec la loi. C'est la manière de stratégiser certaines survies politiques. Sinon, on meurt politiquement. À ce niveau, Liprona a réussi. Mais tu vois, comment il n'a pas réussi? Ça veut dire quoi? Liprona, tel que Olivier le disait, c'est elle qui existe légalement. Honorable Fabien, il est hyproniste de cœur. Or, la politique et les institutions s'en foutent du cœur. Ce qu'on voit, ce sont les textes qui signent. Quand on convoque la réunion des partis, qui vient? C'est ça qu'on voit. En fait, c'est pour un clin d'œil aux acteurs politiques. Il faut être réaliste. Ça veut dire quoi? Ce qu'on voit, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est l'institution qui est là. Et nous, on doit. Et ce n'est pas simplement ici, au Burundi, c'est partout ailleurs, même en Europe, même aux États-Unis. Quand on n'entre pas dans une certaine stratégie de la vie politique, de vouloir vivre politiquement, parce que la politique, c'est un combat pacifique, parce qu'il faut chercher les voies. Quand tu les as eues, tu te dis j'ai combien? Parce que personne ne fonde un parti pour ne pas participer un jour au pouvoir. Quand on lui donne l'occasion d'y participer, il y va. Personne ne peut refuser. Il n'y a pas que quelqu'un vous dise que non, moi je ne voudrais pas être ministre. Vraiment, je ne voudrais pas être... Non, ce n'est pas vrai. C'est parce qu'il n'a pas fait une bonne stratégie pour y entrer. Voilà, c'est après ces quelques conseils donnés par l'analyste politique Père Désiré Amouremié que nous clôturons Mosaïque d'aujourd'hui. Et dans Mosaïque, nous débattions autour du parcours du parti Iprona 57 ans après sa victoire aux élections législatives. C'était le 18 septembre 1961. Nous remercions nos trois invités, Olivier Nkurunziza, secrétaire général du parti Iprona et porte-parole de son parti. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans Mosaïque. Merci beaucoup de nous avoir invités, mais aussi je suis content de rencontrer l'honorable qui souhaite revenir au niveau du parti Iprona. Nous sommes contents, nous allons l'accueillir à bras ouverts. Nous disons également merci à honorable Fabien Bachiganino, député ancien, membre du parti Iprona. Merci d'avoir répondu à l'invitation, malgré que vous vous réclamiez encore de Iproniste. Oui, merci, je vous remercie moi aussi. Je crois que quand je dis que je suis encore Iproniste, c'est parce que je sens les idées de Rwagasol. Mais par contre, quand mon frère Olivier dit que... Vous êtes toujours le bienvenu. Je suis le bienvenu. Je lui ai fait les conditions. Et qu'il y a un consensus. D'ailleurs, je vous dis une chose. J'ai entendu ce qu'a parlé Gachati à Radio Culture. J'ai été très content. Le président du parti Iprona. Je lui ai téléphoné. Le président du parti Iprona. Monsieur Gachati. Je lui ai appelé pour lui dire que c'est ce qu'il a dit très bien, que j'ai compris que quand même il est en train de se relever. Si monsieur Olivier a emboîté son pas, ça aurait été bien. Parce que moi j'ai devant moi trois discours de président de Iprona. Par ailleurs, si demain le consensus se faisait. Et si pensez qu'on a clôturé l'émission. Merci. Voilà, nous disons également merci à Père Désiré Yamouremié, ici dans l'émission, qui nous aidait en tant qu'analyste politique. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mosaïque. Merci beaucoup, Pacifique. Mais je pense aussi qu'au sein de l'Iprona, il y a un conflit de génération. Il y a un conflit de génération entre les plus jeunes et les dinosaures, ce qu'on appelle les anciens dinosaures de l'Iprona. Et il est difficile aux dinosaures de céder souvent le pouvoir aux plus jeunes. L'animation de Mosaïque d'aujourd'hui, vous étiez avec moi Pacifique Chubahiro. La réalisation était assurée par Jérôme Niyonzima. Nous disons également merci à Eric Ouimana qui assurait la technique. À vous tous qui étiez à l'écoute de l'émission Mosaïque, nous vous souhaitons de continuer à suivre nos émissions sur la radio Isanganiro. Mosaïque.